peu spontané, sans y être forcé. Si tu veux savoir tout, je suis prête à nous. Tu me prends par la main et hop, ça m'a fait un choc. Voilà le résultat. Jamais de sans toi. Même si c'est notre cas, jamais de sans toi.